Je suis fatiguée ce matin. Pourtant, j'ai dormi 8 heures. En plus, j'ai la migraine. Tiens, qu'est-ce que c'est, cette musique? C'est un orchestre de rue. Les gens dansent sur la place. J'adore ça. Viens, on va danser. Malgré ta migraine et malgré ta fatigue? Quand j'entends cette musique, je dois danser, même si je suis à moitié morte. Mais il est tard. On n'a pas fait les courses, ni la cuisine. Ça ne fait rien. Moi, j'y vais quand même.